Non ne si può giocare. Oh, vieni. Fonctionne, monsieur, hein? Regardez. Il suffit de le libérer. Ça bouge pas. Quand même, si.